T'es yeah, t'es de 2010, c'est de si tu veux moi, c'est de blaze. Yeah, yeah, yeah, phénoménal vibes. 3 meufs par jour, 3 meufs par jour. C'est du lourd, j'suis pas là pour trouver l'amour. En mode célibat, j'veux niquer du lourd. Au minimum, 3 meufs par jour. Proto 3 meufs par jour. 3 meufs par jour. Proto 3 meufs par jour. 3 meufs par jour. Proto 3 meufs par jour. 3 meufs par jour. Proto 3 meufs par jour. 3 meufs par jour. Alors je refoute en moi, sans boîte, je me place au middle of the beach. Je pisse toutes les tasses alors qu'efface, t'es belle toi. Vas-y viens là, je te roule une pelle et vas-y casse-toi. Viens ce soir devant ma tente. Et si ça me tente, je te laisserai en dans mon an. Si tiens le bout, t'auras un petit coup. Si c'est trop mou, t'iras toucher cool. Passe-moi la tequila et le punch coco. Faut que j'en quilla au bar du bistrot. La plage, toi depuis on est ventaille. Buzz une tequila sunrise, c'est le paradis. Je m'en ai des massages au cul de passage. Sous mes lunettes rébagnes, je m'admine trop bonne. C'est ta bombe, c'est ta balle, j'ai cité les phéromones. Proto 3 meufs par jour. 3 meufs par jour. Proto 3 meufs par jour. 3 meufs par jour. Proto 3 meufs par jour. 3 meufs par jour. Proto 3 meufs par jour. 3 meufs par jour. 3 meufs par jour, tu connais mon parcours. 3 meufs par jour, tu connais le parcours. C'est 3 meufs par jour, pas de long discours. Proto 3 meufs par jour. 3 meufs par jour. Proto 3 meufs par jour. Par jour, proto 3 meufs par jour, 3 meufs par jour, proto 3 meufs par jour, 3 meufs par jour, 2-6 sans ce microphone, pécho l'album, c'est la bombe de balle. Avec 2-6 et JB Master Blaze, c'est du phénoménal vibes. Proto 3 meufs par jour, 3 meufs par jour, proto 3 meufs par jour, 3 meufs par jour. Understand like to keep to me. I know I'm again. I GB fixing master play. Yeah, yeah, phenomenal vibes. 3 meufs par jour. 3 meufs par jour.